Ohne Jesus Christus ist jeder Geist, den du antriffst, ein bösartiger Geist, ein teuflischer Geist. Et sans Jésus-Christ, c'est que tout ou bien sans le Saint-Esprit, chaque esprit que tu vas voir, c'est un mauvais esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Christ Jesus is not telling us to do what he did not do. Christus Jesus befiehlt uns nicht etwas zu tun, was er selbst nicht getan hat. Jésus Christ ne nous recommande pas de faire quelque chose que lui-même il n'a pas fait. He loves his mother. Er liebt seine Mutter. Il aime sa mère. With his own kind of love. Mit seiner Liebe. Avec sa propre manière. So also we love our parents. Genauso lieben wir unsere Eltern. With God kind of love. Mit Gottes Liebe. Tout comme nous, on aime nos parents avec l'amour de Dieu. We love our natural family. Wir lieben unsere natürliche Familie. On aime notre famille naturelle. With God kind of love. Und Gottes Liebe. Mais avec l'amour de Jésus. The love that they cannot even understand. Die Liebe, die sie nicht verstehen können. Un amour que eux-mêmes ne peuvent pas comprendre. I thank the Lord that Mary was able to understand that love. Ich danke dem Herrn, dass Maria in der Lage war, diese Liebe zu verstehen. Et je remercie l'Éternel que Marie était capable de comprendre cet amour. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 12, you can see what he said to his mother. In Matthäus 12 sehen wir, was er seiner Mutter gesagt hat. Matthieu 12, on peut voir ce qu'il a dit à sa mère. Amen. Amen. I thank God for Mary. Ich danke Gott für Maria. Je remercie l'Éternel pour Marie. She never questioned Jesus. Sie hat Jesus nicht in Frage gestellt. Parce que lui, il a, parce que elle a fait confiance à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. I wish our mothers, our parents can be like that today. Wenn unsere Eltern, unsere Mütter nicht einfach nur so wären. Hey, je souhaite que nos parents puissent être comme Marie aujourd'hui. Mary was never sad because Jesus chose his father. Maria war niemals betrübt darüber, dass Jesus seinen Vater gewählt hat. Marie n'était pas triste parce que Jésus a choisi son père. How we parents can rejoice for us today for choosing Christ. Wie schön es wäre, wenn sich Eltern freuen würden darüber, dass wir uns für Christus entscheiden und gegen sie. Je souhaite que les parents puissent être puisse être satisfait que nous on est capable de choisir Jésus Christ. We are not choosing Christ for us alone, for them also. Wir wählen Christus nicht für uns alleine, sondern für sie auch. On ne choisit pas Jésus Christ seulement pour nous, mais aussi pour eux. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever Jesus said was final for that woman, Mary. Was immer Jesus gesagt hat, das war das letzte Wort für Maria. Et tout ce que Jésus Christ, peu importe ce que Jésus disait, c'était final pour Marie. Though the natural, you know, the Sydney, they never believe on him. Obwohl die Geschwister, die fleischigen Geschwister von Jesus Christus, ihm nicht geglaubt haben. Malgré la famille naturelle, ses frères et sœurs naturels ne croyaient pas en Jésus Christ. Amen. If you go to John 7, verse 2 to 10, you see it there. Amen. 7, sehen wir das. À Jean 7, on voit que les frères de Jésus-Christ ne lui prenaient pas au sérieux. But his mother never argued with him. Aber seine Mutter hat nie mit ihm diskutiert. Mais sa mère n'a jamais commencé à discuter avec Jésus. Or go and gather with other people to fight him. Oder andere Leute zusammengetrommelt, um ihn zu bekämpfen, um gegen ihn vorzugehen. Elle s'est jamais aussi mélangée avec autres mères pour combattre Jésus. To fight Jesus and his father. Um Jesus zu bekämpfen und seinen Vater. N'a jamais combattu Jésus à cause de son père. Amen. What people are doing today. Et Jésus-Christ est son père. Amen. What people are doing today concerning once you choose Christ. Wie das, was Leute momentan tun, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest. Tout comme ce que les gens sont en train de faire dès qu'on choisit Jésus-Christ. They gather. And they gather in evil ways. Sie versammeln sich auf bösartige Weise. Eux, ils se rassemblent, mais ils se rassemblent dans une mauvaise manière. They think they are fighting us. Und sie denken, dass sie damit den Menschen bekämpfen. Parce que eux, ils pensent qu'ils sont en train de combattre l'être humain. We don't have religion here. Wir haben nicht Religion hier. Nous, on n'a pas de la religion. We have Christ Jesus here. Wir haben Christus Jesus on hier. On a seulement le Christ ici. Anything you do against us is against Christ Jesus. Alles, was du gegen uns tust, tust du gegen Christus Jesus. Tout ce que tu fais ici contre nous, tu le fais contre le Christ. And I pity you. That God against Christ Jesus. Deswegen habe ich auch Mitleid mit denen, die sich gegen Christus Jesus versammeln. Et c'est pour cela, j'ai pitié de tout le monde qui sont en train de se rassembler contre le Christ. He said, vengeance is mine. Er sagt, ja, I will mine. Ich werde vergelten. Il a dit que la vengeance c'est la sienne. I also thank God for Joseph. Ich danke Gott auch für Joseph. Je remercie l'Éternel aussi pour Joseph. Remember, Jesus was always saying, you know, talking about my father. He was not talking about Joseph, but always my father, my father. Mm. But Joseph was not even jealous. Mm. Oder auch Joseph, dass als Jesus immer über seinen Vater gesprochen hat. ganz genau wusste, er redet hier nicht über mich, aber es war ihm kein Anstoß, er war nicht eifersüchtig auf den wahrhaftigen Vater. Et comme Joseph, quand il parlait toujours de son père, c'est son père mal, et son père n'était pas. Quand Jésus, il parlait toujours de son père, mais Joseph n'était pas, il n'était pas jaloux, il n'était pas jaloux parce que, oui, il savait que il faisait confiance à, oui, au vrai père de Jésus. Amen. Just like us today, it's all about our Father, our Christ Jesus, our Christ Jesus. We are one with Him. We are one with Him. We please Him. We do everything that pleases Him. Our desire is Him. Our focus is Him. I wish, you know, our parents can be like them, like Mary and even Joseph, that just allow the Lord to walk His way. Genauso wie wir uns für Christus Jesus entscheiden und diesen Weg mit Christus gehen. Und wären unsere Eltern doch einfach so wie Josef und Maria, die es einfach akzeptieren und die unsere neue Familie in Christus einfach akzeptieren. Tout comme nos parents aujourd'hui, je souhaite vraiment qu'ils puissent être capables à accepter notre chemin qu'on a avec Jésus-Christ, tout comme Marie et Joseph. Ils n'étaient pas jaloux et tendres, ils ont toujours accepté quand Jésus-Christ parlait de son père, malgré ils étaient des parents physiques, mais oui, ils étaient satisfaits avec lui, avec sa décision. Some parents might even want to choose Christ and say they are grateful that these children are choosing Christ. But those they follow, those they listen to, we spoil their heart. Those they call their friend, they call their family, that they refuse to get up from, they are a problem to them. Yeah. Und einige Eltern werden vielleicht so, sind sogar vielleicht dankbar, dass man die Wahrheit gefunden hat, dass man zu Christus Jesus gehört. Aber die Freunde dieser Eltern, die Verwandten dieser Eltern, werden wieder das Herz dieser Eltern und die Gedanken der Eltern wieder verunreinigen mit der Mentalität und der Kultur dieser Welt. Et ja. Y a quelques parents, quelquefois, ils sont même, oui, ils sont même ravis. Ils disent que oui, mais bien, c'est bien que ma fille ou bien mon fils choisit l'Éternel Jésus-Christ, mais à cause de leur mauvaise compagnie, tu vas voir que ça a commencé, les mauvaises compagnies sont en train de les injecter leur doctrine, la culture et tout ça, et tu commences à voir que même les parents commencent aussi à le croire et commencent, du coup ils ont aussi un problème avec le choix qu'on est en train de prendre, de suivre Jésus-Christ. Praise the Lord. 1 Corinthians 6, the Lord is saying get out of them. 1 Corinthians 6 sagt, it is for your own good, get out of them. Komm raus aus ihnen. 1 Corinthiens 6, Jésus-Christ, l'Éternel dit qu'on doit sortir de là. If Satan cannot come directly to you, he will go through them. Get out of them. What are you still doing with them? Wenn der Satan nicht dich angreifen kann, nicht dich beeinflussen kann, wird er sie beeinflussen, um dich dann wiederum zu beeinflussen. Parce que si le diable n'est pas capable de venir directement vers toi, il va utiliser leur corps, il va venir vers toi à travers eux. Amen. Total submission. Who do you still call your family? Vollkommene Hingabe. Wen nennst du immer noch deine Familie? Totalement une soumission totale. Qui est-ce que à qui tu titulaires encore tu vois comme ton ami? Are they still holding some part of your heart? Halten diese Leute just a little of your heart. Teil unseres Herzens. Better let it go. Wenn ja, dann müssen wir das loslassen. Qui tu considères encore dans ton cœur comme ta famille? Est-ce que ces personnes-là sont entrées toujours, ils ont encore une petite place dans ton cœur? Là, ça va te faire du mal. C'est pour cela que tu dois les arracher de cette place-là. It can never be Christ and Satan. Es kann niemals Christus und der Satan parce sein. Parce qu'il ne s'agit jamais de Jésus-Christ et le diable. It can never be light and darkness. Es kann niemals Licht und Dunkelheit sein. Il ne s'agit jamais de la lumière et de l'obscurité. A little darkness is just too much. Ein bisschen Finsternis ist einfach schon zu viel. Donc même un peu d'obscurité, c'est déjà c'est trop pour toi. Allow it to be completely Christ Jesus. Lass so, dass es vollkommen Christus Jesus ist. On doit avoir 100% que la lumière, que Jésus-Christ. Can come at any time. Denn er kann zu jeder Zeit wiederkommen. Parce qu'il peut venir à chaque moment. Amen. Just a little, just what you call enjoyment, just that little thing, we just take it. Sache, die du all the labor that you have been laboring to follow him. Kann alles einfach wegwischen. Diese ganze Arbeit, diese ganze Mühe, die wir in Christus Nachfolgen reingesteckt haben, kann das alles einfach wegwischen. Tu as fait vraiment beaucoup des efforts pour suivre Jésus-Christ, mais la petite chose là que tu que tu appelles comme plaisir, qui te plaît là, même un pourcentage, ça peut vraiment t'arracher complètement de Jésus-Christ et donc et tout ce que tu as fait, c'était pour oui, pour rien en fait. Again, I thank God for Mary. Nochmal, ich danke Gott für Maria. Et c'est pour cela que je remercie l'Éternel. You know, in John 10, verse 30, Jesus said, I and my Father are one, and not I and my mother. Mm. You know, that will provoke somebody. Mm. Hey, today. 10 sagt Jesus, or not I and my wife, or I and my sister. Mm. But I and my Father, and the Father they cannot even see. Mm. In Johannes 10 sagt Jesus, mein Vater und ich, wir sind eins. Und er hat nicht gesagt, meine Mutter und ich sind eins, oder meine Schwester und ich sind eins, oder meine Mutter und mein Vater und ich. Und eine Mutter könnte eifersüchtig sein auf diese Aussage, eine Schwester könnte eifersüchtig auf diese Aussage sein, aber in seinem Fall war es seine Mutter nicht. Dans Jean 10, il a dit que moi et mon père, nous sommes un. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un problème avec ça. Pourquoi il n'a pas dit maman? Mais Marie, elle n'a pas vu, elle n'a jamais eu un problème avec ça. Aujourd'hui, les gens seront provoqués. Amen. Amen. And in John 8, verse 29, he said, I do always those things that please him. And not those things that please Mary. Mm. And not those things that please Joseph. But those things that please my father alone. Mm. Then somebody should be jealous. Und auch in Johannes 8 sagt Jesus, ich tue allzeit das, was meinem Vater gefällt. I'm taking my son away from nicht das, was me. Meiner Mutter gefällt oder das, was meinem fleischlichen Vater gefällt, sondern das, was meinem himmlischen Vater gefällt. Mm. Und hier hätte sein fleischlicher Vater, seine fleischliche Mutter auch eifersüchtig sein können, dass, weshalb will er nicht uns gefallen, wieso will er uns nicht gehorchen, weshalb will er jemand anderen gehorchen, sogar einen Vater, den er nicht sehen kann, den man nicht sehen kann. Jésus Christ dit que moi je fais toujours ce qui plaît à mon père. Il n'a pas dit que ce qui plaît à Joseph ou bien à Marie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui auraient un problème avec ça. Mais pourquoi il veut toujours plaire à l'Éternel et pas à nous? In John 14, from verse 1 to 20, you can see it was all about his father. In Johannes 14, if you have seen me, you have seen my father. Hättest du meinen Vater? Donc, si tu vois Jean 14, il s'agissait que de son père. Er sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr meinen Vater gesehen. Donc, il dit que si vous m'avez vu, vous avez vu mon père. Amen. Amen. Then in John 16, verse 32, let's go to this very one. John 16, verse 32. Johannes 16, verse 32. Praise the Lord. Hallelujah. Please take your heart away from their gathering. Nimm bitte dein Herz weg von der Versammlung. Don't even discuss this any longer. Lass nicht zu, dass sich das traurig macht oder besprich das auch nicht immer wieder. Donc il faut vraiment ne pas se préoccuper de leur assemblée mauvaise avec leur mauvaise compagnie. Ça doit même pas te préoccuper. Praise the Lord. Hallelujah. He said, verse 32, he said, behold, the hour cometh. Yea, it's now come, that you shall be scattered. Johannes 16, everyone will leave it. Every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone. Amen. Because the Father is there with me. Mm-hmm. He's with me. Yep. Are you getting it? Mm-hmm. Always he was so conscious of his Father. Ihm war sein Vater so bewusst. And do everybody leave? Auch wenn alle gehen, mein Vater can bleibt. We be there for him? Mm-hmm. Just you know, just how he was so one with his father. Können wir genauso für Jesus da sein, wie er mit seinem Vater eins war? Donc on voit qu'il était toujours conscient de son père. Il dit que vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul parce que je suis toujours avec mon père. Donc, est-ce que nous aujourd'hui, on est capable à être conscient que notre père est toujours avec nous? It was all about his heavenly father. Es ging immer nur um seinen himmlischen Vater. Il s'agissait toujours de son père céleste. He said how he sent him, so also he sent us. So wie er ihn geschickt hat, schickt er auch uns. Mm-hmm. Donc il disait, tout comme lui, il a été envoyé de son père, c'est comme ça aussi qu'il nous envoie. Praise the Lord. Hallelujah. And that is how, that is why how he chose him. That is how we are to also choose him. Und so hat er auch uns ihn gewählt, so sollen wir auch ihn wählen. Et tout comme lui, il est en train de choisir son père, c'est comme ça qu'il veut qu'on puisse aussi lui choisir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again to these parents. Amen. I thank the Lord for Mary. He never gathered with other people to find Jesus. Nochmal, ich danke Jesus Christus für Maria, dass sie sich nicht versammelt hat mit anderen Leuten, um Jesus und den Vater zu bekämpfen oder gegen sie vorzugehen. Mm. Encore une fois, je remercie l'Éternel pour Marie, parce qu'elle ne s'est jamais réunie avec autre personne pour combattre Jésus-Christ. Amen. Amen. Et son père. 1 und 2. These things have I spoken unto you, that you should not be offended. Johannes 16, 1 und 2. Jean 16, 1 à 2. He said, they shall put you out of the synagogue. Amen. They will hate you. Sie werden dich hassen. Ils vous chasseront. Ausschließen. Amen. They will call you names. Verfluchen. Oui, ils vont vous maudire. They will say, they will know, once they call your name, they will say, that one is lost. It's gone. Sie werden dich als verloren erklären. Ils vont vous voir comme des gens perdus. They shall put you out of the synagogue. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth good, he doeth God's service. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That they are fighting you, they think is so they are doing it for their own God. Sie denken, dich zu bekämpfen, ist ein Dienst für ihren eigenen Gott. Aber es stimmt auch, für den Satan ist das ein Dienst. Et verset 2, il dit que les gens ils vont vous faire du mal, mais ils vont croire qu'ils sont en train de le faire ça pour leur Dieu. Donc, fait à Dieu un sacrifice agréable. Mais oui, à quel Dieu? Donc, leur Dieu, c'est le diable alors. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be afraid of their gathering. Hab keine Angst vor ihrer Versammlung. Ne sois pas effrayé. They also gathered against Jesus. Sie haben sich auch gegen Jesus versammelt. Sie sont rassemblés contre Jésus Christ. Okay, Father, we help us to read Acts 4, please. Apostelgeschichte 4. Acts 4, verse 26 and 27. They gathered against Jesus. Sie haben sich gegen Jesus versammelt. Apostelgeschichte 4, 26 und 27. Acts des Apôtres 4, verset 26 à 27. The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For of a truth against the holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel will gather together. Praise the Lord. They all gathered together against him. Sie haben sich alle versammelt gegen ihn. Ils se sont tous rassemblés contre le Christ. But they could not separate him from his father. Aber sie konnten ihn nicht von seinem Vater trennen. Mais ils n'étaient pas capables à lui séparer de son père. Amen. That is the victory in all. Das ist der Sieg in allem. Et ça c'est notre victoire, c'est la victoire en tout. Because they could not separate him and his father. Weil sie ihn und ihren Vater nicht trennen, seinen Vater nicht trennen können. La victoire est qu'ils ne peuvent pas vous séparer du Christ. Let them gather. Sie sollen sich versammeln. La victoire était qu'ils n'étaient pas capables de leur séparer, de lui séparer avec son père. Donc laisse-les se rassembler. No matter how they gather, they cannot separate. Egal wie sie sich versammeln, sie können uns nicht von Christus Jesus trennen. Peu importe qu'est-ce qu'ils font, ils peuvent pas nous séparer avec contre notre père le Christ. It is too late for them. Es ist zu spät für sie. C'est trop tard pour eux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. The only problem Jesus could have was to separate with it from das his father. Das einzige Problem, was Jesus haben hätte können, ist sich von seinem Vater zu trennen. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est que Jésus-Christ pouvait avoir été d'être séparé de son père. Just like he said, the only problem we are going to have is separating from him. Genauso wie er zu uns gesagt hat, das einzige Problem, was wir haben könnten, ist uns von ihm zu trennen. Et tout comme il a dit à Jean. Que le seul problème qu'on peut avoir et que quand on est séparé de lui. Amen. Johannes 15. Jean 15. Jean 15. Johannes 15. I am the true vine. And my father is the husbandman. From verse 1. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. And every branch, you know, that's why it takes people away from church. It takes people away from the ministry. No, they said the Holy Spirit said, yeah, it can be the Holy Spirit is the one taking them away. Because, you know, just if you read here, you will know that it takes people away from the ministry. Der Herr kann Leute aus der Gemeinde rausziehen. Der Heilige Geist kann Leute aus der Gemeinde rausziehen. Et quand on voit ici, on voit que l'Éternel aussi, ou bien le Saint-Esprit, est capable aussi de faire sortir les gens de l'Église, parce qu'il dit comme... Je suis la vigne, la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Comme il sépare les fruits, c'est comme ça aussi que l'Éternel peut séparer les gens de l'Église. If he has been warning and warning and warning them, and they refuse to repent, Leute, die keine Buße tun wollen. Donc si l'Éternel est toujours en train d'avertir et les gens sont en train de refuser de se repentir. Because of their sake, he will separate them. wegen den Auserwählten wird er diese eine Person rausnehmen aus ihrer Mitte. Et à cause de ses propres enfants, lui, il est capable de faire sortir cette personne de milieu des saints. Praise the Lord. Hallelujah. Look at it from verse 2. Verse 2. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. You see there? Mm. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. He hates fasting. Er hasst den Stillstand. Mm. Donc lui, il a dit que tout, qu'il n'aime pas quand quelqu'un quand il n'a pas de progrès. Donc il n'aime pas quand il n'y a pas de progrès. C'est pour cela qu'il est en train de couper les tranches qui ne progressent pas. He want to see what he calls fruit in your life. Er möchte das, was er Frucht nennt, in deinem Leben sehen. Il veut voir ce que lui il appelle des fruits dans ta vie. Especially how we choose him. Besonders indem wir ihn wählen. Et surtout quand comment on est en train de lui choisir. Especially how we are there for one another. Wie wir in was für eine Art und Weise wir füreinander da sind. Surtout comme on est là l'un pour l'autre. Especially how we surrender to him fully. Auch inwiefern wir uns ihm vollkommen hingeben und nicht nur zur Hälfte. Surtout comme on est en train de se soumettre à lui, pas seulement à moitié. He can be telling you, don't stop going to them, stop being one with them, and you refuse. Mm. Then instead of you to pollute others, he will take you out. Mm. Er kann dir sagen, hör auf, dich zu treffen mit diesen Menschen, mit der Welt, wenn du es weiterhin tust und dich weigerst, dich ihm zu demütigen, wird er dich rausnehmen. Il va te dire, ne pars pas là-bas, mais si tu refuses de soumettre à sa parole, à ses commandements, là, il va te t'enlever des élus parce qu'il ne veut pas que tu puisses les polluer. Verset 3. So now you are clean through the word which I have spoken unto you. Verse 4, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except he abide in the vine, no more can you, except you abide in me. Amen. I don't know if somebody is too high. It's so simple. Verset 3 à 4 de Jean 15. Amen. Amen. Verse 5. I am the vine, you are the branches. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me. And I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. Mm. If any man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Here is my Father glorified, that you bear much fruit. You can see it. Are you getting it? Mm. Everything there is all about his Father. It's all about, Father. You know, be one. He has been one. He was one with his Father. Er war immer eins mit seinem Vater. So also he wants us to be one with him. Mm. Und so sollen wir auch eins sein mit ihm. Donc lui, il était toujours un avec son Père. C'est pour cela qu'il nous recommande à Jean 15. On a lu de 1 même jusqu'à 8, jusqu'à la fin. Il dit tout, nous recommande toujours de demeurer en son Père, tout comme lui, il a demeuré à son Père. Amen. Amen. Who want to make it to the end? Be one with Christ Jesus. Wer bis zum Ende ausharren will, muss bei Jesus Christus bleiben. Trenne dich nicht von ihm. Donc si tu veux avoir la réussite jusqu'à la fin, tu dois vraiment être un avec Jésus-Christ, demeurer en Jésus-Christ et être un avec lui jusqu'au bout. Amen. Amen. We want to make it to the end with Christ Jesus. Allow him to be everything for you. Wer es bis zum Ende mit Jesus Christus packen will, muss zulassen, dass Christus Jesus alles für einen ist. Et si tu veux continuer avec Jésus Christ jusqu'au bout, tu dois vraiment permettre qu'il puisse être le numéro 1 dans ta vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 10, verse 40, he said, if they say no to you, they say no to me. And if they say no to me, they say no to my Father. It's chain reaction. Wenn sie Nein zu euch sagen, sagen sie damit Nein zu mir. Wenn sie Nein zu mir sagen, sagen sie Nein zum Vater. Das ist eine Kettenreaktion. Donc, c'est une réaction en chaîne. Si dit non, ils te disent, ils te refusent quelque chose, ils le refusent aussi au Christ. Et s'ils refusent au Christ, ils le refusent aussi au Père. Donc, c'est oui. They are not against us because of us. They are against us because of him. sie sind nicht gegen uns wegen uns, sondern gegen uns wegen Jesus Christus. Les gens sont contre nous, mais pas pour, pour nous, mais pour le Christ. À cause du Christ. If you choose him completely, then we hate you. Denn wenn du ihn I'm not talking about half half. Wenn du Jesus vollkommen wählst, ich meine nicht halb halb, sondern vollkommen, dann werden sie dich hassen. Ja, auch hier in die Bibel. Et si tu, tu choisis Jésus-Christ complètement, donc je ne dis pas à moitié, il se rend contre toi. C'est que la Bible aussi nous dit. Und das ist nichts Neues, das steht alles in der Bibel. Ce n'est rien de nouveau. Amen. Amen. How many can we even go to? Matthew 10, verse 22. Wie viele Stellen können wir uns durchlesen? Überall lesen wir das, Matthäus 10 auch. Donc c'est pas qu'on le lit dans la Bible. Choosing Christ actually means separating from the world. Christus wählen bedeutet eigentlich sogar, sich von der Welt zu trennen. Quand on choisit Jésus-Christ, ça signifie aussi qu'on se sépare de, oui, du monde de ce monde. I'm not saying choosing God. Ich meine nicht I'm Gott saying wählen, choosing Christ. Sondern Christus wählen. Je ne dis pas de choisir, quand on dit choisir Dieu, non, je dis quand on dit que je choisis le Christ. I'm not saying what they call God. Ich meine nicht das, was sie Gott nennen. Je ne parle pas de ce que les gens appellent Dieu. Even old, in Old Testament. Auch im Alten Testament. Même dans l'Ancien Testament. How much more now? Wie viel mehr jetzt? Et surtout aujourd'hui. In Old Testament, Genesis 12, he told Abraham, leave your family, leave everything. Called only Abraham. Mm-hmm. And others not followed him. Mm-hmm. And Sarah followed him. If others follow us that way, how wonderful it will be. Mm-hmm. Auch im Alten Testament lesen wir das. Er hat nur Abraham rausgerufen und Lot und Sarah sind ihm gefolgt. Wie schön wäre es, wenn andere auch genauso nachfolgen würden, diesem Ruf. Donc dans Genèse, on voit vraiment que l'Éternel, il a Dieu, il a appelé seulement Abraham. On voit que Lot et Sarah, ils ont suivi Abraham. Et c'est pour ça, ça serait vraiment très magnifique si les gens aussi nous suivaient. Amen. Amen. Abraham was not against his natural family. He was not against it. Amen. He heard the voice of the Lord and he followed the Lord. He obeyed his voice. And if all of them followed him, he will not say no. So also, we heard the voice of Christ Jesus. And we say yes to him. If others just join us, we will be one family. It's as simple as that. Und genauso wie bei Abraham, er hat seine natürliche Familie nicht gehasst, sondern er wurde rausgerufen und die Leute, die mitgehen wollten, sind mitgegangen. Aber hätten sich alle Leute entschieden, von seiner Familie mitzugehen, hätte der Herr nicht Nein gesagt. Er hätte alle mitgenommen. Und genauso ist es auch bei uns, dass wir haben dem Ruf des Herrn gehorcht und ihm gefolgt. Und wenn der Rest unserer Familie ihm auch nachfolgen würde, wäre das wundervoll, aber das ist halt nicht der Fall. Donc, tout comme Abraham, par exemple, c'est seulement Abraham qui a été élu et sa famille, quelques membres de la famille lui ont suivi. Et c'est comme nous aujourd'hui aussi, l'Éternel nous a élus et ce serait aussi magnifique si notre famille nous suive aussi comme la famille d'Abraham. Et Abraham n'a pas détesté sa famille, par contre, mais il a choisi d'obéir à la voix de son Dieu. Et c'est comme ça que nous aussi, on ne déteste pas notre famille, mais on choisit la voix de notre Dieu. Amen. Amen. Since the fall, there have been separation. Seit dem Sündenfall gibt es Trennung. De la chute de l'homme, il y a eu de la séparation. The Lord separates so that he can save everyone. Der Herr trennt, damit er alle retten kann. L'Éternel est en train de séparer pour qu'il puisse sauver tout le monde. Christ Jesus called us out of the natural family to the supernatural family. Christus Jesus hat uns raus aus der natürlichen Familie berufen in seine übernatürliche Familie. Donc Jésus Christ nous a fait élu de la famille naturelle et nous a appelé dans son famille, dans sa famille surnaturelle. How we wish others would follow us. Wie schön wäre es, wenn andere mit uns an diesen Weg gehen würden. Et ce sera vraiment très très beau, très donc magnifique si les autres nous suivent comme oui. If they choose Christ, we will be one with them. But if they know, they will not. We will not choose hell because of them. Werden wir eins sein mit ihnen, aber wenn sie nicht sich für Christus entscheiden, werden wir nicht für sie die Hölle wählen. Si ils choisissent Jésus-Christ, on peut être un avec eux. Mais si ils ne choisissent pas Jésus-Christ, mais choisissent l'enfer là, ils peuvent partir en enfer eux-mêmes. Amen. Amen. We don't want any pretense, please. Wir wollen keine Täuschung. Keine Vortäuschung. Donc on veut pas des gens qui sont en train de prétendre ici. The law does not tolerate half. Der Herr toleriert keine halben Sachen. Il n'aime pas les choses à moitié. Amen. Amen. He hates it. Er hasst es. Il déteste les choses à moitié. Amen. Because he knows that the little you refuse to let go will take you away. Denn er weiß, dass das Kleine, was du nicht loslassen willst, wird dich von ihm wegnehmen schlussendlich. Parce qu'il sait que la petite chose, le 1% que tu veux pas laisser lui délaisser là, ça peut te t'arracher de lui en fait. You know that little Satan love is so much. Er weiß, dieses kleine, der Satan liebt. Ce petit là, ce petit 1% là, le diable aime ça. Amen. Amen. That little is too much. Dieses kleine ist einfach zu viel. Ce peu là est trop. Amen. Ça nous coûte notre salut. Praise the Lord. Hallelujah. You know the world today, they love evil unity. Die Welt liebt, especially the Christians. Bösartige Einheit, besonders Christen. Le monde aujourd'hui aime une des mauvaises compagnies. Amen. Only in the church you can say about Christ. Once it goes to outside, it's all about the natural. Just follow the natural way. In der Kirche kannst du über Christus reden, aber wenn du in der Welt bist, passt dich der Welt an. Donc ils aiment l'Éternel ne tolère pas des mauvaises unions parce que eux par exemple pour eux on peut être un à l'église mais dehors tu peux faire ce que tu veux en fait. Amen. Amen. Salvation is both the church and outside. Errettung ist aber nicht nur in der Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde. Mais le salut c'est pas seulement dans l'église mais c'est aussi en dehors de l'église. They love the unity that only the outside is Jesus but the inside is just themselves. Sie lieben die Einheit, wo von außen es Jesus ruft, aber von innen ist es das Selbst, das Fleisch. Eux, ils aiment cette unité où l'intérieur, c'est. Donc, l'extérieur, c'est Jésus-Christ, et l'intérieur, c'est le propre soi, donc la chair. Amen. Amen. Rejoice if you are delivered from doubt. From those evil unity. Freue dich, wenn du von dieser bösartigen Einheit befreit wurdest. There is a big victory to be delivered from that. Es ist ein großer Sieg, wenn du da raus bist. Sois content si tu es vraiment délivré de cette mauvaise unité. C'est une victoire pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Because Jesus did not come for what man called unity. Denn der Herr ist nicht Jesus. Jesus nicht. Wegen dem gekommen, was diese Welt Einheit nennt. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu ici sur terre pour ce que ce monde appelle unité. Amen. Amen. He came for division. Er kam für Spaltung. Il est venu pour la division. Praise the Lord. Hallelujah. Because he knows that two rights, two wrongs can never make it right. Weil er eben, you have to save one so that other can follow. Weil er eben weiß, dass wenn beide falsch liegen, dann wird niemand gerettet. Er muss eine Person rausziehen, eine Person rausretten, damit auch alle gerettet werden. Parce que lui, il sait que si deux personnes qui ont tort ne peuvent pas être sauvées, c'est pour cela il doit diviser, sauver un pour que l'autre aussi puisse être sauvé à la fin. Praise the Lord. Like Jesus called us out of the flesh. Christus Jesus hat uns raus aus dem Fleisch berufen. Jésus Christ nous a appelé de sortir de la chair. Into the spirit. In deinen Geist. Et nous a mis dans son esprit. Just like Moses, you know, was called out of the flesh into the spirit. Genauso wie Mose aus dem Fleisch rausgerufen wurde in den Geist. Tout comme Moïse on lui a fait sortir de la chair pour le mettre dans l'esprit. We are in Hebrews 11, verse 24 to 26. Wir waren Hebräer 11, Hebräer 24. Are you getting it? Pharaoh took care of Moses. Der Pharao hat auf Mose Acht gegeben, hat ihn erzogen. Let's go there. He took care of Moses. Moses was taken care of in the palace. Donc en fait, Pharaon a été, Moïse a pris soin du Pharaon. Pharaon a pris soin de Moïse. Amen. Il a grandi dans le palais. From verse 24, please. Hebräer 11, 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He refused. Er hat sich geweigert. That's why you choose the family you belong to. Deswegen musst du auch entscheiden, zu welcher Familie du gehörst. Et Hébreux 11, verset 24, il a dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça au titre de son de fille de la fils de la fille du pharaon. C'est comme ça aussi que nous aussi on est en train de renoncer du titre de la chair. Naturally, it could have been better for Moses to choose Pharaoh. Natürlich gesehen wäre es sinniger gewesen, dass Moses sich für den Pharao entscheidet. Naturellement, ça allait être même mieux que Moïse puisse choisir le pharaon. You know that people will call him name. I'm grateful. Weil viele ihn sicherlich verflucht haben und gesagt haben, er ist undankbar. Donc il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il est vraiment ingrat. Amen. No, Pharaoh took care of Moses, but Moses refused to choose him. Der Pharao hat doch Mose aufgezogen. Und Mose ist so undankbar, dass er das nicht wertschätzt und bei ihm bleibt bis zum Ende. Donc le pharaon, il a fait grandir Moïse, mais Moïse, il est vraiment ingrat, qu'il est parti. C'est comme ça qu'on va voir dans la chair, qui a refusé, qui a renoncé à son titre, malgré la personne t'a fait beaucoup du bien. And Moses did not choose them because they took care of him. Mose hat sie nicht gewählt, weil er von ihm aufgezogen wurde mit dem Fleisch. Mais Moïse a refusé la chair. Il n'a pas choisi. They say you are biting the finger that fed you. Sie sagen, bite the finger of Satan to hell. Du beißt sozusagen in den Finger der Leute, die dich gefüttert haben. Aber wir zerstören alles, was vom Satan ist. Mm. Donc ils ont dire les gens sont capables à dire que Moïse est ingrat parce que il a commencé à mordre la main qui lui a nourri, mais si cette main là c'est le diable, c'est mieux de lui détruire. They were there for me. Sie waren da für mich. Das ist die Welt, was die Welt sagt. Good to me. Sie waren gut zu mir. Le monde va dire qu'il était là pour moi, il a été bien pour moi, il m'a fait du bien. Amen. What about Jesus? Was mit Jesus? Was er für dich getan hat, was Gott für dich getan hat. Jésus Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est pas plus grand que ça. No one can love you like Jesus. Niemand kann dich so lieben wie Jesus. Amen. La personne qui est capable de t'aimer comme Jésus Christ. No one can take care of you like Jesus. Niemand kann so auf dich acht geben wie Jesus. Personne ne peut prendre soin de toi comme Jésus. No one can be there for you like Jesus. Niemand kann für dich so da sein wie Jesus. Amen. Personne qui peut être là pour toi comme Jésus. No one can satisfy you like Niemand kann dich so zufriedenstellen wie Jesus. Amen. Personne qui peut te satisfaire comme Jésus Christ. The water they will give you, you will taste again. But what Christ Jesus will give you, you will never taste again. Amen. Das Wasser, was sie dir geben können, das danach wirst du irgendwann wieder Durst haben. Aber das Wasser, was Jesus Christus gibt, das ist ewiglich. Donc la boisson, bien de l'eau qu'ils vont te donner. Tu auras encore soif, mais l'eau du Christ, tu n'auras jamais soif. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 25 says, choosing rather to suffer affliction with the people of God. I love it. In 25 erzog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden. Verset 25, aimons mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir des délices passagères du péché. Than to enjoy the pleasures of sin for a season. To enjoy with them for a season. Anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Donc, au lieu de jouir les délices passagères du péché. Was sie Genuss nennen. C'est ce qu'eux, ils appellent des délices. Verse 26. Esteem reproach of Christ greater riches than the riches in Egypt, than the treasure in Egypt. For he had respect unto the recompense of the reward. Praise the Lord. Hallelujah. I love what Moses did. Ich liebe, was Moses getan hat. Es ist wundervoll. J'adore ce que Moïse a fait ici. J'aime ça. Amen. Because where the Lord called you from might be so good. Denn dort, woher der Herr dich rausgerufen hat, war vielleicht ein wundervoller, wunderschöner Ort. Parce que là où l'Éternel t'a enlevé, non, de la chair, peut-être charnellement, c'était vraiment très, tu étais à l'aise, c'était bien. Where he wants you to separate from might be so good. Wo du rausgehen so beautiful. Ist vielleicht so full of wealth. Voll von Reichtum und Sicherheit und anderem. De là où tu dois il veut que tu puisses te séparer. C'était peut-être c'était très beau, c'était vraiment chouette. Amen. Amen. You know, people call Moses ungrateful. Leute würden Mose undankbar nennen. Les gens vont dire que Moïse est ungrat. He did not care what they would call him. Aber ihm war es egal, wie sie ihn nennen. He cared for one thing. What would God say? Ihm war wichtig, was Jesus zu ihm sagt, was Gott zu ihm sagt. Mais pour lui, c'était pas important ce que les gens vont dire. Pour lui, la seule chose qui était important, c'est que qu'est-ce que Dieu va dire. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, you know the palace. If you know what palace is, then you know what Moses left. Wenn wir wissen würden, was ein Palast ist, besonders zur Zeit des Pharaos, diese Menschen waren Götter hier auf Erden, haben auch so wie Götter gelebt. Dann wirst du wissen, was Moses hinterlassen, dass ich gelassen genau. Donc si tu connais, si tu connais la signification du palais, tu sais c'est que un palais. En Égypte, c'était ils ont ces gens-là, ils ont vécu comme des dieux. Là, tu vas comprendre qu'est-ce que Moïse a laissé derrière lui. Well, Moses left, and God, the Lord is saying, leave all this penna and follow me. And they will not. Look at what Moses left. Compared to what this, what you are. Look at what Moses left. He said, leave this penna. They are rubbish. Leave them. Since they refuse to obey me, they refuse to follow me. Don't let them take you to hell. But they already share shit. But you won't praise the Lord. I thank the Lord for Moses also. Und genauso, genauso wie Jesus hier sagt, du sollst rausgehen aus deiner natürlichen Familie, die im Vergleich zur Pharaos-Familie Obdachlose sind. Na, also finanziell gesehen und auch statusmäßig gesehen. Und wir zieren uns, wir wollen nicht, wollen dem Herrn nicht alles übergeben, obwohl wir noch nicht mal aus so einem Haus gekommen sind. Et tout comme Moïse dit, l'Éternel dit à Moïse de sortir aussi de ces personnes-là, parce qu'ils sont pas sérieux, parce que quand tu ne choisis pas Jésus-Christ, tu n'es pas sérieux du tout, et c'est pour cela que tu dois avoir rien en commun avec eux. Donc c'est pour ça il veut qu'on puisse se séparer de ces gens-là. Praise the Lord. Christianity another religion. Das Christentum eine andere Religion. Donc le christianisme est for them religion. It's all about information, never revelation. Ihnen geht's immer um Information und nicht Offenbarung. Pour eux, il s'agit toujours de l'information, il ne s'agit jamais de la. It's all about the flesh and not the spirit. Es geht um das Fleisch und nicht den Geist. Il s'agit toujours de la chair pour eux, jamais de l'esprit. It's all about honor your father, honor your mother, not honor Christ Jesus. Es geht darum, Menschen zu ehren und deine Eltern, deinen Vater, deine Mutter zu ehren, aber nicht Jesus Christus allein zu ehren. Donc il s'agit toujours de honorer tes parents, mais il s'agit jamais d'honorer Jésus-Christ. You don't honor your father, your mother to honor Christ. You honor Christ to honor your father and your mother. Du ehrst nicht Mutter und Vater, um damit Christus zu ehren, sondern du ehrst Christus Jesus und damit hast du deine Eltern schon geehrt. Et c'est pas le contraire. Tu ne dois pas honorer tes parents puis honorer le Christ. Non, c'est quand tu honores le Christ que tu peux honorer tes parents automatiquement. Amen. You cannot honor the spirit to honor. You cannot honor the flesh to honor the spirit. You honor the spirit. That is how you honor the flesh. Du kannst nicht das Fleisch ehren, damit du den Geist ehrst. Du musst den Geist ehren, damit das Fleisch geehrt ist. Tu ne peux pas honorer la chair pour honorer l'esprit. Non, si tu dois d'abord honorer l'esprit pour honorer la chair. Amen. Amen. We don't honor man. We honor Christ. Wir ehren nicht Menschen, sondern Christus Jesus. Amen. Nous on honore pas l'être humain, on honore l'Éternel. If you are able to honor Christ, then you are able to honor man. Und wenn du in der Lage bist, Christus zu ehren, bist du auch in der Lage, Menschen zu ehren. Si tu es capable de honorer le Christ, c'est là que tu es aussi capable de honorer. Christ is everything. Christus ist alles. Le Christ, il est tout. It's like going to God. If you are going to God, you have to go through Christ. If you are going to the Holy Spirit, you have to go through Christ. If you want to honor your parents, your natural parents, go through Christ. Mm-hmm. Genauso wenn du zum Heiligen Geist gehen willst, musst du durch Christus gehen. Wenn du zu Gott gehen willst, musst du durch Christus Jesus gehen. Genauso wenn du deine Eltern ehren willst, musst du durch Jesus Christus gehen. Du musst ihn zuerst ehren. Donc, pour partir vers le Père, tu dois partir à travers le Christ. Et c'est comme ça aussi, si tu veux honorer aussi même tes parents, d'abord à travers le Christ, parce que c'est d'abord l'esprit et puis la chair. The flesh can do nothing. Das Fleisch nützt nichts. Parce que la chair lui-même, once it comes to the spirit. Es kann nichts tun und ausrichten, wenn es um den Geist geht. La chair ne sert à rien quand il s'agit de l'esprit. In John 6:63, Jesus said the flesh profited nothing. In Johannes 6, because it can do nothing once it comes to the spirit. Sagt Jesus, dass Fleisch nützt nichts. It is the spirit that can give life to the dead. Denn nur der Geist kann dem Toten Leben schenken. Donc Jean 6 nous dit que c'est la chair ne sert à rien parce que c'est l'esprit qui peut donner donner à la chair la vie, c'est pas le contraire. Amen. Christ Jesus is the only way to the only true. Christus Jesus ist der einzige Weg zum einzig wahrhaftigen Gott. Jésus Christ est le seul chemin. Close with here. Galatians 5:25. Le seul vrai bon Dieu. Galatians 5:25. On va lire Galatians 5:25. Yes, the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Galatians 5:25. Galatians 5:25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. We are Spirit family. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wir sind eine Geistfamilie. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, nous sommes une famille. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if you have any question or